j'avais un nuage blanc. J'y bâtirai un palais d'argent. Le soleil serait ma plus belle fleur. Et ton sourire, le reflet du bonheur. Seul comme l'araignée, sans à toi. Comme le sable des dunes, je m'endormirai sur ton étoile, me couverte par un rayon de lune. Et moi l'esclave sous le rue.